bonjour et bienvenue aux amateurs de rock progressif à cette nouvelle émission de Rock de Neurones sur les ondes de C'est Fou FM 89.1 à Trois-Rivières. Vous êtes en compagnie de Jimmy Farley pour les deux prochaines heures. Je m'occupe de l'animation, de la mise en onde et du choix musical avec la collaboration de Denis Marchand, Noël Douville et Robert Blanchette qui, à chaque semaine, me font un retour d'expérience sur les émissions passées, ce qui contribue à l'amélioration en continu de l'émission. Aujourd'hui, nous aurons le groupe Cellar Free d'Italie. Ça sera suivi de Moff du Japon, avec Android de Hongrie. Et de la Finlande, nous aurons Uminoita. Ça sera suivi de Andy Jackson, une nouveauté de l'Angleterre, suivi de Large Bodies des États-Unis. Nous aurons The Mute Gods, un projet multinational, et de Guri Shankar de Russie. Et pour la fin de l'émission, nous aurons le palmarès Rock de Neurone en position 15 avec Gentle Giant et deux extraits de l'album Three Friends. Et nous conclurons avec Pink Floyd en position 14 du palmarès Rock de Neurone et avec la pièce Medal, en fait Echoes, tirée de Medal. Et pour la fin de l'émission, nous aurons une suggestion de Paul Baudouin, la pièce Soft-Eyed Woman. C'est extrait de Mountain Queen par le groupe All Queen. Ça date de 1973. Alors, nous débutons avec Cellar Free, qui est une formation italienne qui est un petit peu en renaissance, dans le sens qu'ils ont, ils ont débuté en 92 et 94 par deux albums. Ils sont disparus de la scène du rock progressif pour 18 ans, en fait. Ils sont revenus il y a trois ans, avec Spiritual Revolution et tout récemment, Spiritual Revolution Part 2. Et c'est ce mini-album de deux morceaux seulement pour l'instant, qu'on va entendre les pièces Amazing et Special Laws. Ça sera suivi de Moff du Japon avec A Drop in the Ocean et on conclura avec Android de Hongrie. Alors voici Cellar Free, Moff et Android. But still at the dawn of my singing fears, could sound drifted and bound, I ring the bell of what matters here. Let it out from my skin and the magic begins. Every presumption to fall, but I was without you. Let it out from my skin, it eventually comes to me through the wind. It's amazing. It lasts for a while and gets clear. All the grating's done. It's amazing. Then I ripple songs till I realized that it was me. Since when I began. Thank you. To be eszik, iszik a sátorba, semmire sincs gondja. Életbe gyöngyélet, ennél szebb sem lehet, csak az jöjjön katonának, aki ilyet szeret. Paripáját megforgatja, úgy megyen dolgára, csillog, villog a mezőben virágszál módjára. Hely életbe gyöngyélet, ennél szebb sem lehet, csak az jöjjön katonának, aki ilyet szeret. Venez d'entendre la formation hongroise Android avec la pièce Verbunkos. C'est extrait du troisième album qui vient tout juste de paraître. L'album s'intitule Man Machine. On leur connaît trois albums, un en 2009, l'autre 2011 et le plus récent il y a quelques semaines. Ça a été précédé de la formation japonaise MOF. Elle, cette formation qui est tout récente avec un seul album. L'album s'intitule, une petite seconde, ça s'intitule Hello New World et on a entendu A Drop in the Ocean et ça a été précédé de la formation italienne malgré le fait que ça a été en langue anglaise et avec une sonorité assez britannique par contre, mais c'est de l'italien. Alors c'est Sailor Free avec deux pièces du mini-album Spiritual Revolution Part 2. Alors après la pause, Yumi Noita de Finlande, Andy Jackson d'Angleterre, Large Bodies des États-Unis et The Mute Gods multinational. On débute le deuxième bloc avec une nouveauté de la Finlande, la formation Huminoita. C'est leur premier album et ce qu'on va entendre, c'est la pièce extraite de l'album, justement le nouveau All Is Two, et la pièce s'intitule Hymn 23. Et on va poursuivre avec Andy Jackson, avec sa nouvelle parution aussi. L'album s'intitule 70 Days at Sea. Et la pièce qu'on va entendre, c'est Legends of the Mysterious Apes. Andy Jackson, qu'on connaît pour sa participation comme ingénieur et producteur de l'album Division Bell de Pink Floyd. Alors, c'est son deuxième album solo. Le précédent, on l'a fait jouer il y a quelques mois. Ça s'intitulait Sailors, Signal to Noise, excusez-moi. Alors, on va enchaîner aussi avec Large Bodies, qui est une nouvelle formation américaine. Et l'album s'intitule Shade et la pièce Cascade Looks. Et en fin de bloc, nous aurons The Mute Gods, qui est une formation multinationale avec plusieurs musiciens connus, dont Nick Beggs et Marco Minneman, qui ont respectivement fait partie de la formation de Steven Wilson et aussi des Aristocrats. Alors, on débute ça avec Huminoita. Thank you. think them last good thoughts. Do they wonder about me and you? 'Cause I think I love the way you think. Somehow I think they would too. To the pipers' merry. big shot selling your story now. Who is who, what is what, in between, and the where and how. I wanna hear about your dark ideas. You're all alone if you're playing a glass. There's a ricochet and it's coming your way, gonna bust your ass. All I can think about your dark ideas. Alors, vous venez d'entendre The Mute Gods, un nouveau groupe qui est un collectif en fait de musiciens assez chevronnés, dont Nick Beggs, qui est un multi-instrumentiste qui a joué récemment avec Steve Hackett, Steven Wilson. Il fait partie aussi de Fish on Friday et de Life Signs. On a aussi la participation de Marco Minneman, qui est percussionniste aussi pour Steven Wilson. On l'a vu aussi avec The Aristocrats. Il a participé aussi à la tournée de Mike Kennelly. On a aussi Nick Dirviglio excusez la prononciation, mais qui aussi œuvre à la batterie, à la guitare et au clavier. Ça a été précédé de aussi une nouveauté aussi d'un nouveau groupe américain, The Large Bodies. Et la pièce qu'on a entendue, c'est Shade. Et en fait, c'est extrait de l'album Shade. Et la pièce, c'était Cascade Locks. Et précédé de Andy Jackson avec une nouveauté aussi, Andy Jackson avec 73 Days at Sea. Et la pièce qu'on a entendue, c'est Legends of Mysterious Apes. Et on a débuté le bloc avec une nouveauté aussi de la Finlande avec le groupe Huminoita et la pièce Hymn 23. Vous êtes à l'écoute de Rock de Neurones avec Jimmy Farley. On débute donc le troisième bloc de l'émission en retour avec The Mute God, cette formation multinationale. Et la pièce qu'on va entendre, c'est la pièce titre « Do Nothing Till You Hear From Me ». C'est la pièce titre de l'album. Et ça va être suivi par une formation russe qui est rendue à son troisième album. C'est tout récent et l'album s'intitule « Second Hands ». La pièce « Moon 7 » et le groupe de Gauri Shankar. Et on va enchaîner avec la position 15 du palmarès Rock de Neurones avec Gentle Giant et deux pièces extraites de l'album paru en 1972, Three Friends. Alors on débute ça avec The Mute Gods, The Gauri Shankar et Gentle Giant. Thank you. Manajamara. And now it's Mena Sabuada. The Shabasoma. And the Wazaba. But every time I know some. Thank you. Bye. Alors, c'était Gentle Giant qui occupe la position 15 du palmarès de Rock de Neuron avec l'album Three Friends. Et on a entendu la pièce titre qui a été précédée de Mr. Class and Quality. Auparavant, on avait la formation russe de Gauri Shankar avec la pièce Moon 7 qui est extraite de Second Hands. Et en tout début de bloc, nous avions The Mute Gods avec la pièce titre de l'album Do Nothing Till You Hear From Me. Après la pause, la position 14 du palmarès Rock de Neuron avec l'album Metal de Pink Floyd. 14 au palmarès Rock de Neuron, la position qui est occupée par Pink Floyd. Et l'album Metal, qui est paru en 1971, l'album Metal a été le dernier du style dans le sens avant la partie un peu plus commerciale de Dark Side of the Moon. On a eu auparavant Atom Heart Mother, Uma Guma, on a eu Saucerful of Secrets, The Piper at the Gate of Dawn. Mais Metal a été une transition vers ce qu'on appelle le rock progressif un peu plus commercial. Alors, on va entendre la longue pièce de l'album Metal, la pièce du nom de Echoes, avec une sonorité qu'on va très vite reconnaître. To the light, and no one knows the way. chance to step across is me. And I am you, and what I see is me. Do I take you by the hand and lead you through the land and help me understand the best I can? No one tries, no one. 1971, Pink Floyd, Echoes, Medal. Ça occupe la 14e position du palmarès rock de Neurone. Et on est rendu dans les grosses pointures avec aussi Three Friends un petit peu auparavant. Et la semaine prochaine, on y va aussi avec Thick as a Brick. Alors, je vous invite à être des nôtres. Et entre-temps, on va conclure l'émission de cette semaine avec une suggestion de Paul Beaudoin, qui est un fidèle auditeur, qui nous propose de retourner en 1973 avec la formation néerlandaise All Quinn, qui à l'époque ont produit 4 albums entre 1972 et 1976, et le deuxième album Mountain Queen est celui qui est le plus passé à travers les âges. Et Mountain Queen est quand même assez bien coté dans Prog Archives. Et ce qu'on va entendre, c'est un court extrait, Soft-Eyed Woman, en attendant des pièces un petit peu plus étoffées dans les prochaines semaines. Alors voici donc All Quinn pour conclure l'émission. C'était All Quinn avec la pièce Soft-Eyed Woman et c'est tiré de l'album Mountain Queen qui est paru en 1973. Ceci met fin à l'émission et je rappelle aux auditeurs qui voudraient retracer la discographie, le nom des pièces et le nom des albums et des artistes qui ont figuré à l'émission d'aujourd'hui. Vous pouvez aller sur le site, la page Facebook de l'émission Rock de Neurone. Et vous aurez la liste des pièces et aussi un hyperlien vers les émissions qui ont été archivées depuis presque un an maintenant. On parle d'un an, mais aussi la semaine prochaine, on va fêter un anniversaire. C'est le 3e anniversaire de l'émission. Et on va, pour l'occasion, ramener quelques pièces qui ont été très appréciées au fil des ans. Alors, c'est Jimmy Farley qui vous souhaite une bonne semaine et vous invite à vous joindre à nous pour une nouvelle émission de Rock de Neurone la semaine prochaine à la même heure. Vous êtes assez fou. 89.1. Pour plus d'informations sur la programmation, visitez cfou.ca. Salut, moi c'est Alex. Tous les mardis à 21h, j'anime Matière Noire. T'aimes le métal progressif?